Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 39. J'espère que vous êtes en forme. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. J'ai pris une petite pause la semaine dernière d'épisode de Je voulais pas me prendre une pause en me disant lundi matin, cette semaine, je prends une pause. C'est les affaires qui se sont empilées un peu, je dirais. Puis, ça a pris pas mal de temps dans ma semaine. Surtout, j'ai fait un petit mandat de graphisme pour un de mes amis, dans le fond, qui est avocat. Donc, l'imminent Maître Clich. Plusieurs de mes amis personnels qui écoutent ça, vous connaissez l'éminent Maître Clich, un personnage coloré, et puis un ami d'enfance depuis que j'ai 5 ans, depuis que j'ai 5 ans, bref, c'est ça. Puis, quand même pratique d'avoir un avocat dans sa liste d'amis ou comme ami proche, Tom qui nous aide beaucoup avec tout ce qui est juridique et paperasse. Pour les entreprises, et puis bientôt on va regarder aussi pour régler des petits dossiers importants par rapport à Rétro Montréal. Et il m'est déjà arrivé dans le passé de ne pas être payé aussi, donc c'est pratique pour envoyer des mises en demeure. Oups, excusez. Et puis on m'a payé finalement, donc voilà. Et puis c'est important d'être payé et puis de ne pas se faire abuser de soi. Alors Tom est un gars très généreux, puis je lui devais ça, c'est sûr et certain. Donc il était dans un grand bureau. Il était à son compte avant. Après ça, il s'est joint à un grand bureau à Montréal. Et puis très gros bureau d'avocat dans le Vieux-Montréal. Et puis là, il a décidé de repartir à son compte. Donc ça lui prenait une petite identité visuelle, logo, etc. Fait que j'ai fait ça pour lui, mais juste faire « Hey, fais-moi un logo ». C'est pas ça qu'il m'a dit, mais je fais juste vous expliquer que faire une identité visuelle pour une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, c'est pas juste comme faire un logo, faut trouver la forme, faut les couleurs, faut faire des tests, la page web, papeterie, les signatures e-mail, tu sais, comme il y a 1000 patentes, là, tu sais. Fait que tout ça a pris du temps pas mal, et puis ça a pris du temps, et puis dans le fond, comme j'en ai déjà parlé, j'imagine, il me semble, à mes épisodes précédents, le temps dont je dispose dans une journée est de mon lever jusqu'à 10h30 et de genre 4h jusqu'à 5h à peu près. Ça, c'est les heures qui correspondent au temps d'écran de mes enfants. Et puis, en soirée, ça peut aussi, quoique un peu plus tard. Tu sais, mes enfants, comme ils sont rendus grands, là, ils sont capables de se laver tout seuls et tout. Donc, après souper, si ma blonde écoute un film ou quelque chose avec eux ou une émission, là, je peux récupérer du temps là pour faire autre chose. Mais vous savez ce que c'est? Le soir, c'est bien tough d'être productif, tu sais. Et puis, c'est dur d'être productif aussi, je trouve, dans des zones données précises, tu sais. Il y a plein de fois où est-ce que je suis productif, puis là, il faut que j'arrête parce que là, il faut que j'aille m'occuper des enfants, tu sais. Ou bien, il y a plein de fois où est-ce que, OK, là, les enfants, ils sont corrects, ils s'occupent tout seuls. Là, il faut que je sois productif, puis là, c'est comme, ça vient pas, tu sais, parce que là, je suis comme fatigué, puis j'ai la tête morte. Vous savez ce que c'est? Donc, c'est ça que je trouve vraiment difficile présentement, c'est de composer avec, il faut que tu utilises ton temps quand t'en as, pour faire toutes tes affaires au moment précis, puis si t'es fatigué, là, ben, too bad, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça aussi que j'ai eu de la misère un peu la semaine passée, là. On avait beaucoup de choses à faire pour Rétro Montréal également. Il y a des subventions là, qu'on veut aller chercher localement pour. Pour agrandir, pour avoir une expansion. Là, je parle pas d'ouvrir un autre magasin, mais vraiment booster fort le commerce en ligne encore plus. Donc, pour aller chercher des subventions, il faut remplir de la paperasse. On avait des meetings avec des meetings téléphoniques avec des gens de la ville et tout ça. Donc, il fallait faire ça, il fallait être préparé. Puis, ça a beaucoup de choses à remplir. Fait que quand c'était le temps d'être produit. Tu sais, mes vidéos, là, je fais des vidéos, tu sais. Puis vous avez vu sur ma page Facebook que j'essaye un nouveau truc, là, que vous allez voir en deuxième partie de cet épisode-ci. Et puis, tout ça me demande aussi du temps, tu sais, comme peaufiner mon setup et mes affaires. Il faut que ça se fasse dans ces moments-là aussi. Donc, Tu sais, le gaming, le streaming a vraiment pris le bord, là. Ça, j'en ai vraiment moins fait la semaine dernière. Et puis, le temps que j'avais, j'ai essayé de l'investir à battre les affaires importantes qui passent avant tout. Donc, c'est ça. Café. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, là? Ouais, j'ai passé du temps aussi la semaine passée à comme chasser de l'inventaire un peu pour Retro Montréal, mais en ligne. Et non sur Marketplace, parce que Ikijiji ou ces places-là, parce que c'est vraiment atroce de dealer avec le monde là-dessus. Mais j'ai des contacts un peu partout. Puis en Ontario, je commence à développer une relation intéressante avec quelqu'un là-bas. Et puis là, il a acheté un beau lot NES que vous avez peut-être vu la semaine passée, je l'ai annoncé. Et puis, j'ai utilisé mon fils le plus jeune pour m'aider à le nettoyer. Non, il aime bien ça, travailler. Il adore ça. Il me demande pour faire ça, tu sais. Donc, puis là, j'ai acheté aussi un beau gros lot de Super NES à la même personne. Et puis, je vais recevoir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi le matin, le 29, je pense, quelque chose de même. Là. On est mardi matin, en tout cas, là, présentement. Et puis, c'est ça. Donc, la deuxième partie du show d'aujourd'hui, je vais présenter mes acquisitions dans le nouveau setup deux caméras que vous avez vu sur ma page Facebook. Donc là, on est le matin, je filme la première partie. Et puis, la deuxième partie, je vais sûrement la faire ce soir, justement dans la zone après souper que mes enfants. Mais je suis pas sûr que je vais avoir le temps encore parce que j'ai un gars de balcon qui s'en vient puis il faut que j'aille chercher mes pneus pour le pneu d'hiver, blablabla, en tout cas. Fait que je vais trouver un trou, mais je vais tout mettre ça, puis ça va être bien joli. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas enregistré ce segment-là hier, comme je pensais le faire, parce que dans le colis de l'eau de Super NES que je vais recevoir d'Ontario, j'ai aussi quelques petits jeux Game Boy pour ma collection personnelle à moi que j'ai pris au gars dans tout ce qu'il y avait. Donc, étrangement, je pensais que ça allait être mort, mon full set Game Boy. Mais vous avez vu aussi hier sur Facebook, j'ai publié une photo d'un autre colis que j'ai reçu de Vancouver avec une quinzaine de jeux de Game Boy dedans. Donc, ma collection Game Boy avance quand même. Ça, je suis content. C'est dur de... Vous savez ce que c'est, ceux qui collectionnent, qui achètent beaucoup de jeux, là, c'est dur de se retenir longtemps, d'acheter des affaires. Donc, ça me fait un petit velours, là, et puis je vais nettoyer ça, et puis ça va être bien plaisant. Donc, c'est ça. Donc, l'épisode de cette semaine... En plus, on a peut-être Rétro Nouveau à soir, mardi. Je suis pas sûr encore si ça va avoir lieu, si tout le monde est prêt, si on a la force mentale de le faire. Puis, moi, personnellement, je trouve pas ça si le fun de faire des affaires à distance de même, des Zooms ou des whatever, là, tu sais, ça... Faut que t'attendes que l'autre ait fini de parler, tu peux pas, tu sais, ça coupe vraiment la vivacité d'une discussion. Donc, c'est pas un format que j'aime beaucoup, là, pour être franc, et puis je trouve pas que ça fait un super rendu, là, tu sais. J'ai bien hâte que ça soit fini, tout ça, pour qu'on puisse tous être dans la même pièce. Mais ça s'en vient. Je pense. D'ailleurs, je vais en parler un peu. On va quitter les jeux un peu, ben pas tant que je parlais pas tant de jeux, mais hier, le gouvernement a annoncé le plan de déconfinement, le retour à l'école qui se ferait à Montréal d'ici 3 semaines et le reste du Québec, dans le fond, d'ici 2 semaines. Moi, pour être franc, puis je donne mon opinion. C'est mon show, je dis ce que je veux. Et puis, j'aime bien discuter. C'est le genre d'affaires que j'aime discuter, tu sais. Mais là, j'ai personne avec qui bouncer mes idées. Fait que je vais juste vous pitcher ce que je pense. Moi, j'étais comme pour ça. En fait, j'étais... Il n'y a pas si longtemps, il était question... j'ai oublié le terme, là. Mais de vaccination naturelle qui est genre pognez-le et puis vous allez passer au travers et puis vous allez être après ça immunisé. L'immunisation sociale, je sais pas quoi. Vous allez être immunisé. Et puis moi je suis bien pour ça, surtout que les statistiques ont montré que c'est les personnes très âgées que ça affecte et genre zéro enfant. Donc c'est ça, tu sais. Je pense qu'il y a moyen de s'exposer puis de recommencer à partir les affaires en allant pas vers les personnes âgées. Tu sais, j'irai pas voir ma mère avec mes enfants, j'irai pas voir ma mère tout court en fait. Mais bon, ces personnes-là aussi, il faut qu'ils sortent. Des fois, ils n'ont pas d'aide pour aller à l'épicerie. Ben, C'est quand même un gros casse-tête. Mais la maladie, moi, me fait pas peur. Elle me faisait peur au début, comme tout le monde. Après ça, point de presse après point de presse, tu te rends compte, bon, il y a personne qui meurt, tu sais. Oui, dans les autres pays, peut-être parce qu'ils l'ont échappé, je sais pas quoi. Mais je me rappelle la statistique. Il y avait une personne en quarantaine, je pense, qui était décédée entre 30 et 40. Puis c'était une personne qui était obèse morbide. Puis tout le reste, c'était des personnes à 60 et plus, 70 et plus, 80 et plus, 90 et plus. Fait que, puis là, je vois comme, ah, moi, je suis en santé, fuck you tout le monde, tu sais. Je veux pas que les gens meurent. Mais je pense pas que les gens vont mourir nécessairement si on recommence à faire fonctionner certains aspects de la société puis de l'économie, là, tu sais. Puis, de toute façon, c'est pas un plan tant d'économie. Au dernier point de presse qui a eu lieu hier, c'est pas comme faut recommencer à produire l'argent, le pays. C'est pas tant ça, c'est plus au niveau social, genre faut que les gens ils sortent de chez eux. Puis on dirait que ça, je peux le comprendre. Je sais pas si vous avez des enfants, puis mes enfants sont super cool, là, tu sais. Puis, mais man, on peut pas tous rester en dedans même pour toujours, là, tu sais. Puis là, je vais dire de quoi, je veux pas être sec, mais on peut pas tous rester en dedans au cas où les personnes âgées, tu sais, ils sont déjà comme dans une zone protégée. Fait que nous autres, faut qu'on fonctionne d'un bord en faisant très attention. Puis eux autres, ils vont continuer à se faire occuper d'eux, tu sais, comme de façon très, très, très pointue, là. Fait que tout le monde s'occupe de tout le monde, puis tout est correct. Dans le fond, si ça déconfine présentement, tranquillement, le gouvernement sait, puis vous devriez savoir aussi qu'il y en a à travers nous qui vont l'attraper, tu sais, puis on va être sur le cul, probablement, ou pas. Et puis, pour ceux qui sont sur le cul, puis ça serait plus grave, ben ça prend de la place à l'hôpital, puis d'après ce qu'on dit, il y a de la place. Fait que c'est ça, tu déconfines, ça va faire monter le niveau des cas et puis ce genre d'affaires-là, ben il faut que ça tienne, tu sais, c'est une balance, tout ça, fait que... Tout ça fait du sens, tu sais. Ah ben moi, je trouve, en tout cas. Et puis, on peut pas non plus rester confiné pendant jusqu'au vaccin, qui arrivera dans un an et demi. Et puis, tu sais, la fameuse courbe, il y avait un docteur à la télé qui l'avait expliqué, puis je trouvais ça intéressant. La courbe, si tu l'aplatis, tu sais, comme t'as une courbe qui monte, mais plus tu l'aplatis, plus qu'à 7 ans. Puis à un moment donné, t'as plus de courbe, t'as juste comme tout le temps... à la maison, tu sais, tu comprends? Fait que ça peut pas fonctionner non plus. Donc, bref, c'est ça. Mais donc, ce qui a été observé dans les autres pays, c'est que le vaccin, pas le vaccin, le fait de l'attraper ne t'immunise pas nécessairement de le rattraper encore. Fait que là, dans le point de presse d'hier, il en a pas été question. Justement, il a souligné que cet argument-là ne tenait plus. Moi, j'ai comme, bon, OK, moi, je croyais en ça. Mais c'est la science et puis c'est des observations, alors c'est ça qui est ça, là, finalement. Mais il faut déconfiner pareil, donc on va voir. Mais j'ai bien confiance aux scientifiques qui nous dirigent et puis aux observations qui sont faites, aux statistiques qui suivent et puis aux plans qu'ils orchestrent. Et puis les situations sont différentes de région en région, de pays en pays. Donc ça, c'est... C'est à tenir compte aussi. Pour ce qui est des écoles, c'est sûr, là, le monde, c'est comme « Nos enfants seront sacrifiés! » Non, mais ça, ils n'ont pas le choix. Tant que les enfants sont à la maison, on peut pas sortir, on peut pas aller travailler. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils commencent par ça. Sinon, ça change rien, là, tu sais. Là, oui, mettons, les gens, il y en a un qui travaille un peu à la maison, télétravail. C'est pas tout le monde qui sont en télétravail, les deux. Il y en a, moi, mettons ici comme exemple, ma blonde travaille télétravail, il faut qu'elle ait une journée là-bas, moi, je travaille pas. Et puis, mais j'y vais un peu au magasin, tu sais, mais je suis pas employé parce que, tu sais, je suis slacké. Fait que c'est ça, tu sais, ça n'a pas le choix de passer par là. C'est sûr qu'il faut que ça passe par là. Puis, c'est pas une question de sauver l'année scolaire. L'année scolaire, on s'en fout, là, tu sais. Mais il y a des gens, il y a des enfants qui ont besoin d'une vie sociale plus que d'autres, puis ils ont besoin de continuer de développer ça, qui ont besoin de plus d'attention à l'école. Et puis, les enfants, ils ont besoin d'une vie sociale aussi, puis de vivre, puis de pas devenir dingue dans la maison. Et puis, nous aussi. Donc, le but, c'est juste de recommencer à vivre normalement. C'est pas de... Vite, vite, vite, faut sauver l'année scolaire. C'est en sac l'année scolaire. C'est fini l'année scolaire, là, tu sais. Oui, là, il n'y a pas de paramètres sur genre comment est-ce qu'on évalue les élèves, c'est quoi les devoirs, c'est quoi les... Il n'y a aucune solution, vraiment. il y a des paramètres dictés par le gouvernement. Puis c'est comme go, c'est ça le plan. Ils peuvent pas dire à chaque école combien vous êtes dans votre classe. 14, c'est beau. Vous autres, 17, OK. Toi, t'étais rendu où en grammaire? OK. Ben, peut-être, madame professeure, vous pouvez. T'sais, non, là. T'sais, arrangez-vous. T'sais, chaque école va s'arranger du mieux qu'ils peuvent. Ils seront pas toujours à 2 mètres. C'est normal, on le sait. Tout, c'est sûr. C'est impossible, là. C'est des règles générales. Après ça, chaque organisme, que ce soit une classe, que ce soit un lieu de travail, s'arrange pour que ça marche. T'sais. Puis c'est ça qui est arrivé dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Là, il y a tout le temps des journalistes qui demandent, qui posent des questions. Ils disent qu'ils n'ont pas de paramètres, t'sais. Ils peuvent pas paramétrer tout. T'sais. Comme la règle, c'est comme « go ». S'il y a un problème, adressez-le, demandez de l'aide, mais overall, personne ne va vous prendre par la main. T'sais. Comme, c'est ça, là. C'est une crise. Puis le gouvernement peut pas écrire un email à tout le monde personnellement pour lui dire quoi faire, tu sais. T'as des gestionnaires partout, ben c'est aux gestionnaires de serrer les coudes puis de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans les écoles, puis tu sais, comme go, là, teamwork, guys, là, selon le gros bon sens, la logique, et faites votre gros possible, là. Vous êtes pas tenu à la perfection, c'est sûr. C'est quoi qu'a dit le premier ministre, non, comme terme? Devant l'impossible, nul n'est tu sais, comme, ça veut dire, faites votre gros bon sens, faites ce que vous pouvez, tu sais, puis c'est ça qui arrive présentement. Donc, ça donne rien de se plaindre qu'on manque de paramètres. Moi, je trouve, et puis, il faut se lever les manches, puis voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais. Moi, je suis du genre vraiment positif dans ces genres de situations-là. Probablement parce que j'aime ça voir les choses se développer, j'aime ça voir les gens se resserrer les coudes puis construire quelque chose, tu sais. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Donc, je suis bien confiant que ça va bien aller. Et puis, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça non plus. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire, tu sais. Parce que sinon, ils se sentent pas bien, tu sais. Fait que, mais quand tu sais plus quoi faire, ben, tu fais selon toi le mieux, tu sais. Puis, il y a jamais personne qui va te blâmer de faire de ton mieux dans la vie. Oublie jamais ça. Si tu sais pas comment le faire, quoi, whatever, fais ton mieux. Si tu as des erreurs, on va t'aider là-dedans, puis c'est, tout le monde fait des erreurs, puis t'as fait des erreurs en faisant de ton mieux, il y en a pas de problème, là, tu sais. En tout cas, c'est drôle, c'est drôle. Puis, tu sais, par rapport à tout ça, là, au début, le gouvernement nous faisait peur avec le virus, moi aussi, j'avais peur. Après ça, on avait tous peur d'en mourir, de l'attraper. Là, après ça, faut qu'il, comme il disait, déprogrammer les Québécois. Puis ça bug du monde aussi, genre, oh mais là, c'est quoi? Ils nous disent là qu'on peut l'attraper, là. C'est comme, oui, il faut comprendre que plus que les personnes auxquelles tu t'adresses, plus elles sont nombreuses, plus le QI descend, tu sais, comme Pierre Légaré l'avait si bien dit dans son spectacle, rien, le troupeau de moutons, là, bon, j'en suis un, on est tous des moutons, là. Mais plus que plus qu'il faut que tu parles à une grande quantité de gens, faut que tu prennes les moyens, si tu veux qu'ils t'écoutent, faut que tu prennes les moyens que mettons que le plus cave de la gang va comprendre, tu sais. Donc, pour être sûr de pogner le plus grand nombre de personnes dans ce range-là, il faut que tu fasses peur au monde assez pour qu'ils restent chez eux, tu sais. Il faut pas qu'ils sortent dehors. Puis on avait tous peur de ça, puis c'est que ça, puis ça a bien marché, puis tout le monde est resté chez eux. Number one. Les semaines ont passé, on se rend compte, ça affecte une petite parcelle de la population. On peut pas, les, il n'y a aucun enfant qui meurt. Bon, ben là, on change le thinking, puis là, ben, on va ajuster la direction où on s'en va. Là, on s'en va par là. Fait que là, faut déconfiner tranquillement. Tu sais, c'est des ajustements. Faut, ça te prend des arguments chocs, gros, pour que le monde t'écoute, tu sais. Fait que, moi, c'est ça, c'est juste des mouvements de masse, là, tu sais, comme l'évolution de la situation, là. J'arrive pas à l'expliquer mieux que ça, là, tu sais. Plus qu'il y a de monde, plus que le QI est bas, fait qu'il faut que tu tapes fort. Puis après ça, faut que tu revires tout ce monde-là de bord encore, parce qu'ils catchent pas nécessairement rapidement que, tu sais, ah, OK, j'écoute pas les points de presse, je vois pas les statistiques, là, rien. Ah, c'est comme, c'est pas le virus, tu sais, comme, Chris, soyez renseignés, c'est... comprenez la situation. Je vous parle, je vous blaste. Le monde y écoute mon show, puis je vous crie après. Excusez. C'est le genre de discussion que j'aurais autour d'une bière dans un bar avec des amis ou whatever, là, tu sais. Mais là, j'ai rien de tout ça, fait que j'en parle avec vous autres. J'espère, je vais pas blesser personne d'entre vous, là, tu sais. J'aime. Là. C'est ça, je pense. Peut-être que c'est pour ça que je reçois des emails de hate des fois, ou est-ce que j'étais un trou de cul, ou bien un douchebag, ou une attitude de marde. J'ai une opinion assez. Pas pointue, je suis ouvert d'esprit, 100%. Mais j'aime discuter, mettre mon opinion, puis avoir un débat. C'est le genre d'affaire que j'aime beaucoup, là, tu sais. Puis, voilà. Alors, bref, je vais pas parler de ça pendant une heure. On pourrait en parler pendant si longtemps. Mais ça se passe bien, je trouve, présentement. Puis, même si les écoles sont supposées ouvrir dans 3 semaines, j'ai pas l'impression que ça va se faire peut-être si facilement que ça ou si aisément que ça. On a 3 semaines pour s'ajuster. Et puis, il va y avoir des ajustements non-stop. Et puis, la situation évolue. Mais au moins, les gens meurent moins. Ben, ils meurent moins. Il y a quand même presque 100 morts par jour encore. Mais pour la zone très chaude, précise des aînés. Mais pour le reste, ça semble être sous contrôle. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On va voir. Puis, ouais. Fait que, on va changer de sujet, hein? Avant de passer aux acquisitions, je voulais juste parler des petits jeux auxquels je joue cette semaine, et puis, pas cette semaine, mais dernièrement, et puis, vous avez vu... Ah oui, je voulais mentionner, avant de faire ça, parlant de Rétro Montréal tantôt, on a... il y a Benoît Mirandette qui nous a demandé, chez Rétro Montréal, une boîte mystère d'une valeur de 100$, dans le fond, pour encourager Rétro Montréal. Et puis, fait qu'on y a fait. On y a envoyé ça. Il a fait une vidéo. C'est vraiment super gentil de sa part. Merci Ben, Big Ben, de nous encourager comme ça. Puis, la vidéo, il l'a partagé sur CCJVQ et tout. Puis, ça a été... oups, excusez. Ça a été... les gens ont trouvé ça bien le fun. Donc, on a plusieurs personnes qui nous ont écrit après ça en privé pour savoir s'il y avait des boîtes de même de disponibles. Là, c'est, c'était une demande spéciale. Fait qu'on n'a pas des boîtes. Il faudrait en faire. Et puis, on s'est dit, ça, c'était une autre affaire de la semaine passée, tu sais, qu'il fallait comme gérer. Et puis, finalement, on sait pas trop. Tu sais, ces boîtes-là, en même temps, c'est touché parce que c'est pas des boîtes de la honte, là. C'est des boîtes dans lesquelles on met des affaires qui sont bien, là, tu sais. Puis, tu peux pas juste mettre des jeux à 30$ parce qu'il n'y aurait pas grand-chose en boîte. Puis, des jeux à 5-10$. Qui sont vraiment hot. Il y en a pas des. Ça court pas les rues tant que ça non plus. Et puis, c'est pas des. Les gens ne collectionnent pas toutes les consoles. Donc, tu sais, comme il y a beaucoup de paramètres dans une boîte mystère. Puis, nous, en tant que magasin, quand on offre ça, et que les gens y exposent ça, c'est sûr qu'il y a des déceptions, puis il y a là-dedans, puis il y a des jeux que les gens sont contents d'avoir, tu sais. Mais c'est un peu à double tranchant dans un sens, parce que le monde, ils voient ça, ils sont comme, là, c'est une boîte de marde, ça, tu sais. Alors qu'il y a des bonnes choses, il y a des gens aussi qui connaissent pas la valeur des jeux en passant, là, tu sais. On l'a vu avec la vidéo de Giz quand il a dépensé 1000$ chez nous. Et puis, ben, je suis allé lire les commentaires du vidéo, là, tu sais. Et puis, c'est ça. Donc là, on est un peu, est-ce qu'on offre ça? Si on l'offre, on a-tu des boîtes de 50, 100, 150? Est-ce qu'à 150, il y a des gens, les gens vont comme être déçus ou pas contents? T'sais, est-ce que ça nous fait plus de mal que de bien de faire des genres de boîtes comme ça? T'sais? Faut compter le shipping aussi là-dedans, qui fait baisser le profit, là, finalement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Par console, par génération, portable, non portable, Nintendo, Sega, t'sais, comme... Là, on s'est comme un peu perdu dans les paramètres là, pour avoir un produit précis. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Là. C'est un peu ça à glace là, pour être franc présentement. Fait que, mais à tout le moins, je voulais. On va voir. Mais à tout le moins, je voulais remercier Benoît Mirandette. Merci beaucoup. Et puis, je vais aussi parler de Giz qui a saisi la balle au bon. Et puis, qui a offert, lui, avec, d'acheter des boîtes mystères comme ça, des entreprises locales, dans le fond, pour encourager. Donc, Giz nous a acheté une boîte à 250$. Et puis, boîte que j'ai montée moi-même. Et mais là, je parlais avec lui, tu sais, parce que je voulais pas non plus y mettre des affaires, tu sais, comme qui veut complètement random. Là, as-tu une liste un peu de ce qui te manque au NES, tu sais, y a-tu des affaires que t'aimes, que t'aimes pas? Il y avait pas de liste précise de ce qui manquait à me fournir là, tu sais, j'avais pas l'information. Je connais Giz, il est plus Nintendo que Sega, on s'entend. Et puis il m'a dit pas de jeu en disque idéalement, puis pas de jeu portable. Fait que là, là ça coupe pas mal de choses. Nintendo, pas de portable puis pas de disque. Là on est comme NES, Super NES 64. T'sais, on est pas mal là-dedans. Et puis par contre, en discutant avec lui, on s'est rendu compte aussi que ça serait le fun d'avoir des affaires weird et puis des trucs qui feraient de la bonne TV entre guillemets. Alors, on s'est entendu finalement, j'y ai fait une boîte et puis j'y ai mis quelques jeux là-dedans que j'espère il n'a pas. Et puis, mais pas beaucoup de jeux, mais beaucoup de périphériques. C'est ça qu'il m'a demandé, des périphériques qu'il peut tester, tu sais, des affaires weird qu'il pourrait tester dans son show. Des cossins, fait que j'ai mis des objets promotionnels, des affaires obscures, des affaires louches, des systèmes... promo, des systèmes de collection, tu sais, donc ça va être une boîte assez mixte. Là, j'ai un peu peur, là, j'ai hâte de voir que ça va être quoi les commentaires par rapport à ça. J'en ai mis pour plus que 250 certains, probablement plus que 300, mais ça me fait bien plaisir et puis c'est une boîte de loucheté. Alors, c'est une boîte weird. Alors, il n'y a pas de jeu à 100$ là-dedans. On s'entend, c'est des affaires bizarres que Giz va utiliser, on l'espère, pour faire des vidéos. Alors, ça risque d'être intéressant. Je sais pas quand que ça va sortir. Il doit sûrement recevoir la boîte aujourd'hui. Peut-être même au moment où est-ce que je vous parle, qui est mardi matin. On verra. Donc, il faut qu'il se set-up, qu'il fasse la vidéo tout. Alors, ça viendra, mais je voulais juste faire une petite mise en garde. Si jamais vous trouvez que c'est de la merde qu'il y a dans cette boîte-là, c'est pas tant de la merde, premièrement. Puis, deuxièmement, on s'est entendu préalablement. Et puis, c'est ça qu'il voulait. Alors, it's all good. J'ai hâte de voir ça. Petite gorgée. Ça fait déjà une demi-heure que je parle, puis on dirait que j'ai parlé de rien. Puis, il y a toute la séquence des acquisitions qui vient après ça. Alors, ça va faire un long show. Tant mieux, tant mieux. Donc, pour vous couvrir vite, ces temps-ci, je joue à deux choses. J'aime ça, mais ces temps-ci, je batte mon backlog de Switch. Parce que j'aime avoir un jeu rétro en bas auquel je joue. Présentement, c'est Mystic Quest. J'y joue un petit peu. Je gratte d'autres petites surfaces ici et là. J'ai joué un peu à An American Tale, Feeble, Ghost West au Super NES. Je veux jouer au Super NES un peu plus cette année. Mais... ça me prend un ongoing jeu sur Switch tout le temps aussi pour que je puisse juste genre jouer un peu tranquille dans le lit le soir, relax. Et puis là, je fais du backlog et j'en ai parlé et j'ai terminé Slain Back from Hell. À ce que je comprends, ce qu'on a dit sur ma page Facebook ou dans peut-être mes Patreons qui ont dit ça, c'est que la version Back from Hell réglerait beaucoup de problèmes. Paraît qu'il y avait des problèmes de gameplay, je sais pas quoi. Fait que là, le jeu, cette version-là serait la version finale et optimale, dans le fond. Ça, je parle de Slain, puis j'ai voulu jouer à Slain parce qu'avant Noël, j'ai fait Valfaris. Et puis, dans le fond, Valfaris, c'est le deuxième jeu de cette gang-là. Cette gang-là qui s'appelle Merge. J'ai pas fait de recherche là, sur les gens précisément. UK. Bon, c'est des Anglais, là, non? Fait que Slain est sorti il y a très longtemps, et puis Valfaris est sorti l'année passée, sorti physique assez rapide aussi. Ça, c'est des jeux hyper métal, là, t'sais, c'est vraiment métalleux, et puis horreur, bloody, là, t'sais, puis la musique, c'est juste genre des gros riffs de git, là, ben gras, ben du sang là-dedans et tout. Fait que moi, j'avais beaucoup aimé Valfaris, qui est vraiment plus un run and gun, qui est vraiment contre... Moi, j'ai commencé avec ça. Et puis, j'ai bien aimé ça. T'as une épée. J'ai parlé de ce jeu-là de long en large, là, à Rétro Nouveau et dans mon podcast. J'avais bien aimé ça. Et puis, mais j'avais quand même acheté Slain il y a longtemps, puis j'y avais jamais joué plus que 5 minutes. Valfaris est très dynamique. Slain, c'est très... slow, si je peux dire. Tu marches, t'as une épée seulement que tu peux changer en... tu peux mettre en glace ou en feu. Bref, tu utilises ça dans les bons moments. Pis c'est juste un jeu qui se base à 80% sur le perfect block. Donc, il faut que tu stunnes les ennemis en les perfect bloquant. Et puis là, ça les ouvre et puis là, tu les varges. Boss y compris. Alors, c'est vraiment un jeu comme de synchronisation parfaite. Là, un peu. Puis ça peut être dur là, des fois. Je trouvais ça pas fair. J'étais comme, voyons, je l'ai parfaitement bloqué. Là. Pourquoi ça n'a pas embarqué? Donc, c'est un... Puis tout est au même niveau. Il n'y a pas de platforming en tant que tel, là, ou genre très léger. Il y a des séquences de niveau un peu plus fun où est-ce que t'es un loup, tu sais, puis tu cours super vite, des petites choses comme ça, mais très peu. Dans l'ensemble, c'est toi qui avances lourdement avec ton épée, puis bloc, flash, du sang. Fait que c'est un peu ça. Et puis il y a bien du monde qui n'ont pas tant accroché. C'est pas le jeu de l'année, là, tu sais. Clairement, c'est lourd un peu à jouer, si je peux dire. Mais c'est très. Ça marche quand même très bien, moi, je trouve, là. Et puis, le jeu est beau, et puis c'est comme Valfaris, là, tu sais, le background, il y a du stock, là, tu sais. C'est vraiment sale de sang, là, tu sais. C'est bien fait pour ça. Et puis, c'est pas si long que ça. Je l'ai terminé. J'ai pas rushé ma vie à outrance. Là. Ça s'est bien fait. Le boss de fin, il est quand même assez facile. Et puis, il y a beaucoup de saves. Fait que tu recommences tout le temps où est-ce que tu meurs, là, ou très près. Donc, c'est comme... Le jeu, c'est comme réussir des courtes séquences tout le long, tu sais. Fait que c'est pas décourageant pour ça. Puis tu recommences où est-ce que t'es, puis t'as toujours des continues. Il y a pas de fuck, là, tu sais. Ça manque d'upgrade, c'est sûr. Ça manque de variété. Ça manque de bien des affaires. Mais c'est un jeu qui fonctionne, moi, je trouve. Et puis, j'aimais ça. Je ne faisais pas ce jeu-là à reculons. J'étais content d'y retourner puis d'essayer de le finir. Et puis, ben, je suis bien content d'avoir les deux versions physiques, là, comme ça, dans ma collection Switch. Je trouve que ça le fait en tabarnache. Donc, ça, c'était pas très long. Fait que j'ai fini ce jeu-là. Et puis là, je me suis lancé sur Guacamelee. Ici, j'ai la collection One Two Punch. Donc, c'est le 1 et le 2. J'ai jamais joué au 2. Le 1, moi, je l'avais fait il y a super longtemps. Je jouais sur PS3. Et aussi, j'avais comme switché. switché sur ma Vita. C'est drôle. J'ai mis sa Vita. Donc, je jouais sur la Vita aussi. Donc, le premier Guacamelee, ça fait longtemps. Là. Mais moi, j'avais adoré ce jeu-là, qui est un action platformer avec des sections beat'em up, beaucoup de vargeage dans le monde. Et puis, beaucoup aussi de. C'est du platforming. T'as des genres de pouvoirs qui font alterner genre des dimensions. Fait qu'on joue avec ça. Ben, dans le 2 aussi, t'as un genre de truc pour te propulser. Ils réussissent très bien à avoir des séquences avec des mécaniques, utiliser tes mécaniques. Tu te changes en poulet aussi là-dedans. Donc, c'est dans une même séquence, tu peux être poulet, après ça, tu reviens normal, tu te propulses, tu changes la dimension, tu la remets pour atterrir à la bonne place. Donc, il y a beaucoup de batailles, mais il y a beaucoup de platforming comme ça. C'est du gameplay tight. C'est rapide, c'est efficace, c'est on point, c'est flawless. C'est vraiment hot. Et puis ce jeu-là, là je parle du 2, mais le 1 aussi, je ne me rappelle plus du 1, ça fait longtemps, mais c'est carrément le 2. Là, j'ai fait 6 heures dedans, puis je pense que j'approche de la fin. J'ai le même feeling que le 1, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une prolongation, là. Ils n'ont rien changé, ils ont juste plus de good stuff, là, tu sais. Et puis, qu'est-ce que je disais, là? Ouais, c'est ça, ce jeu-là est plein de memes. Il est plein de drôleries. Les armes que tu pognes, c'est comme des statues, comme dans Metroid. Il y a des pancartes dans les villes où est-ce qu'ils annoncent des combats, puis les combats, c'est genre He-Man, Skeletor, puis des jokes, le chat sur Internet qui bougonne, tu sais, tout. Il y a plein d'affaires comme ça. Le script il est excellent. Le scénario aussi, là, c'est très cool. Sérieux, c'est super bien écrit, ce jeu-là. Et puis, moi, je trouve que ça le fait ressortir beaucoup à ce niveau-là. Et puis, ouais, non, c'est dans le fond, t'as des combos d'attaque, t'as des un dash en avant, un uppercut, un frog attack, donc comme un plaquage au sol, un headbutt. Et puis, tu fais des combos d'attaque comme ça. C'est hyper frénétique, mais c'est bien fait, là, tu sais. La musique, c'est beau, c'est mexicain, ça marche 100%. Et puis, dans le 2, eh bien, j'imagine dans le 1 aussi, j'ai pas essayé, mais dans le 2, un deuxième, jusqu'à 4 joueurs peuvent jumper in en tout temps, puis jouer, tu sais. Fait que j'ai essayé avec mon fils de 7 ans. Excusez. mon petit garçon avec qui j'avais joué à River City Girls. Et puis, dernièrement, on a joué à Bubble Bobble 4, Turtles, tout ça. Bref, mon petit gamer. Lui, il adore ça, il trouve ça magnifique. Puis tu te changes en poulet là-dedans aussi, puis le poulet est comme... Il est super puissant, le poulet. Et puis, on a... Tu sais, les séquences de Beat'em Up, ça marche super bien à deux. Mais pour un jeune ou pour quiconque, faire les séquences de platforming extrêmes, parce que là, je suis vraiment rendu à la fin, donc c'était peut-être pas le meilleur moment pour qu'il embarque, là, mais il arrivait pas à suivre, tu sais. Puis si lui, il attend ici pendant que moi, je fais tout le platforming, mon personnage accote dans l'écran, je vois pas ce qui m'arrive en face, tu comprends? Donc, c'est ça. Par contre, il peut se mettre en bulle. Tu sais, comme dans Mario, comme dans tous les Mario maintenant, là, les New Super Mario, je sais pas quoi. Donc, tu peux te mettre en bulle pour pas déranger l'autre, ou tu peux juste aussi disparaître, ne plus exister dans le jeu, puis réapparaître plus tard. Donc, on utilisait ça un peu pour les bouts qui sont plus hardcore. Mais c'est ça. Donc, je dirais que c'est un peu comme Contra, au sens que c'est le fun à deux, et puis ça peut être utile dans les zones chaudes. Mais au niveau du platforming, si les deux vous essayez de faire en même temps la séquence de platforming très intense, ça marchera jamais. Il faut qu'il y en ait un des deux qui le fasse. Puis aussi le switch de dimension quand t'es deux, c'est vraiment... ça marche pas, tu sais. Parce que, mettons, t'as un bloc semi-lucide puis un bloc plein. Quand tu changes de dimension, ça l'inverse, tu sais. C'est un qui devient plein puis l'autre devient transparent. Fait que tu passes à travers le transparent. Donc, mais quand t'es deux, puis les deux peuvent changer la dimension, là, c'est plus les blocs qui changent, les personnages qui deviennent noirs ou normal. Tu sais, quand il est noir, c'est pas clair en arrière de quel bloc tu peux passer. Bref, ça va super mal, tu sais. Donc, c'est cool d'être à la gang, puis j'imagine, boss fight, t'es comme « Hey, embarqué, là! » T'es quatre au lieu d'être deux, ou au lieu d'être seul pour taper sur un boss. Donc ça marche super bien, donc c'est impossible que les boss survivent à ça. Mais c'est ça. Mais en tout cas, écoute, c'est un bel ajout, moi je trouve. Et puis, je préfère faire ce jeu-là seul. Et puis, si vous avez joué au premier, c'est vraiment... écoute, c'est la même affaire, là. Mais avec plus de stock encore. C'est la continuité de l'aventure, tout comme... Picnic Panic et la continuité de Messenger, tu sais, c'est more of the good stuff. Fait que j'adore ça, puis je l'achève, et puis je sais pas à quoi je vais jouer, là. Après ça, je vais regarder dans mon backlog, peut-être Gunvolt Chronicles, le jeu avec Coppen, voyons comment il s'appelle, Luminous, je m'en rappelle plus. Fait que cela, probablement. Donc, c'est mes jeux de présentement. Et puis, bon, là, ça fait déjà 40 minutes. On va changer, on s'en va aux acquisitions. Vu que ça ne sera pas filmé en même pendant le même moment de la journée. Là, on est le matin, je suis en camisole comme d'habitude. Et puis, prochain segment, ça va être différent. Alors, voilà. Nous voici donc transportés comme par enchantement dans l'univers des acquisitions. Ouh, des écrans, des affaires partout. Donc, j'utilise webcam pour, ici à côté, les jeux que je vais vous présenter. J'utilise ma caméra built-in de mon ordinateur pour ma face. Donc, ça va ressembler à ça pour l'instant. Et puis, je vais sûrement regarder souvent dans l'écran aussi pour voir si je place bien mes trucs. Donc, c'est ça, là, c'était la bonne franquette, mais je trouvais ça plus dynamique, là, d'enregistrer ça comme ça. Il va y avoir de l'écho, donc j'utilise le micro Yeti, qui capte beaucoup de choses. J'ai pas un super éclairage, fait que c'est pour ça que ma face est foncée. Les jeux ils peuvent être un petit peu flous parce que la caméra est autofocus. Pas sûr de pouvoir faire des ajustements là-dessus anyway. Donc, c'est pas grave, mais c'est ça, je trouve ça le fun, de la nouveauté. On a le temps, on est en confinement. Alors, on ouvre le bal en Super Nintendo, mesdames, messieurs. Il faut que je m'habitue à être cadré dans ces... là-dedans. On ouvre ça en Super Nintendo avec... là, vous voyez ici mon dessus de bureau. Vous avez même un spoiler là-bas. Bref. Donc, Inspecteur Gadget, qui est un platformer de Hudson, publié par Hudson Soft. Je ne sais pas c'est qui l'a fait, par contre. Tu sais, dans le Super NES, je suis rendu là. J'ai beaucoup de jeux, j'ai tous les jeux là, que je voulais vraiment dans ma vie. Fait que là, je suis dans mode genre exploration, j'achète des petits platformers quand je trouve qu'ils ont de l'air bon pour faire beau dans la collection, ce genre d'affaires là. On avait ça chez Retro Montréal, je pense qu'on va, c'était à vendre 30$. Donc on l'avait depuis un petit bout d'ailleurs, j'ai regardé du gameplay, je trouvais ça bien. Alors là je joue avec la caméra, excusez. Donc, je l'ai envoyé dans ma collection, donc ça n'a pas l'air d'être la grosse affaire, là, mais quand même, un plus, comme on dit. Hein? Il y a quelqu'un qui vendait des beaux jeux Super Nintendo complets en boîte sur le CCJVQ, puis il y en a deux que je voulais avoir là-dedans, c'est parce que le prix était bon. Ben, c'était le prix du marché, mais le prix était bon. Donc, premier ici, Opération Logic Bomb. Qui est un jeu. Attends, je vais mettre le jeu direct devant la caméra, puis je vais reculer, voir s'il va capter le focus. En tout cas, c'est pas parfaitement focus, mais c'est pas si pire. Donc, Opération Logic Bomb, qui est un excellent jeu dont j'ai parlé à Retro Nouveau. J'en ai parlé dans mon podcast, j'ai découvert ça l'année passée, juste en juin, comme ça. Un genre de top-down shooter à la Smash TV, mais pas frénétique à ce point-là, plus calcul, pensée, True Lies, tu sais, des jeux comme ça, dans le fond. Moi, j'avais peur que ça soit compliqué parce que Opération Logic Bomb, je pensais, ah, il y a du temps, faut se dépêcher, désamorcer des bombes, mais finalement, non, c'est juste pure action. La musique est bonne, tout est cool de ce jeu-là, vraiment, c'est un jeu que j'aime. Alors, c'est comme ça que ça marche aussi dans le Super Nintendo, ma collection. Quand il y a des jeux que j'aime, puis que je découvre, puis que je me mets à aimer, j'achète le CIB s'il est disponible. Puis là, vous pouvez voir le jeu, la condition, elle est impeccable. Regardez ça, les coins sont coupants. Tout, c'est tellement weird. Ces jeux-là, ils n'ont jamais joué. Dans le fond, le gars à qui j'ai acheté ça, il m'a dit que lui a acheté la collection personnelle de quelqu'un dont son père achetait les jeux aux Zellers. Et puis, des fois, il en jouait, des fois, il en jouait pas, mais il s'achetait tout le temps plein de jeux aux Zellers, puis c'est des affaires qui ont dormi pendant super longtemps. Ça a juste été unsealed, ils ont enlevé le shrink wrap, mais pour le reste, c'est neuf, là. Tu sais, le jeu, la cartouche aussi est parfaite, donc vraiment, là, c'est dans les jeux les plus clean qu'il y a dans... C'est dans le carton le plus clean qu'il y a dans ma collection. Un deuxième aussi, qui est un jeu que je n'ai pas nécessairement full d'amour pour, parce que je ne l'ai pas essayé tant que ça. Il s'agit de Cybernator ici. Colin, il me semble que les couleurs sont pas belles. En tout cas. Cybernator au Super Nintendo, qui est un genre de jeu de mecha fait par Konami. J'avais joué aussi une version Saturn, Battle Unit Miros, je ne me rappelle plus quoi. Belle pochette ici, ce qui a été fait par le dude qui fait les illustrations badass de Konami, là, il y a un nom francophone, man, j'ai aucune... Le pire, c'est que là, je suis devant mon ordinateur, je pourrais vérifier, il y a trop d'affaires devant moi, par exemple, café, micro, ça va aller mal. Donc, ce dude a fait cette pochette de Cybernator, et puis, c'est un jeu qui, d'après moi, mérite qu'on s'y attarde un peu. Moi, je meurs très rapidement, par contre, parce que je trouve ça difficile. Mais c'est un jeu que je me suis tout le temps dit, faut que je travaille, faut que je m'y mette, puis que j'essaye de faire ce jeu-là. Puis c'est pas un jeu qui vaut super cher, donc quand j'ai vu la boîte, ben c'est un jeu qui m'a tout le temps intrigué. Et puis, belle boîte, belle illustration, je trouve ça nice, là. Ça me tente d'avoir ça dans ma collection. Et puis, je vais y jouer un jour, qui sait, il va peut-être devenir un jeu que je vais aimer d'amour. Et puis, vous voyez ici la condition... Les coins sont, encore une fois, parfaits, là, t'sais. C'est un jeu propre, tout comme Opération Logic Bomb. Donc là, j'ai du café, que je vais boire à l'instant, encore. Parce que là, on est effectivement fin d'après-midi. Ce soir, on va enregistrer Retro Nouveau, finalement. Donc là, il est 4h15, donc il reste 45 minutes pour faire ça. Et puis, c'est ça, donc ça sera un podcast qui aura été construit en deux sections dans la même journée. Et c'est très bien, ça va être un long show, hein, finalement. Donc là, on y va en Game Boy. Et puis, il y a mon ami Nick Chalifou, qui est un ami de la gang ici. J'en parle régulièrement, ben, de temps en temps quand même, dans mes podcasts, qui habite maintenant à Vancouver. Et puis qui travaille pour Nintendo. Et puis, étant résident de Vancouver, il vient pas souvent. Une, deux, trois fois par année par ici. Puis à chaque fois qu'il vient, on continue, on jase collection de jeux et tout. C'est tout le temps bien le fun. Et puis là, il m'a fait connaître une boutique Port Coquitlam. Donc pas à Vancouver, mais dans le coin de Vancouver. Ça s'appelle Mostly Games. Là, je vais vous montrer la carte d'affaires, que je vais essayer que la caméra autofocus. Voilà. Donc, voici les infos de Mostly Games. Ils ont un site web qui est un peu boboche, mais ça fonctionne. Les items sont dessus. Et puis, tu peux choisir. Puis, la première fois que j'avais acheté de là, c'est drôle parce que t'achètes, puis après ça, ils t'envoient un email pour confirmer l'état des jeux. Tu sais, il n'y a pas de photo des jeux sur le site. Donc, c'est bien. Sauf que là, moi, c'est un jeu, voyons, c'est une place pour laquelle je vais voir de temps en temps les jeux Game Boy pour mon full set. Donc là, je suis retourné voir, ça faisait une couple de mois, et puis il y avait du nouveau stock. Sauf que là, cette fois-ci, je leur ai envoyé une liste, comme une copie, dans le fond, de mon shopping cart dans lequel j'avais mis tous les jeux qui m'intéressaient de Game Boy. Parce qu'au niveau des prix, il y en a qui sont un peu moins chers, il y en a que c'est le même prix du marché, il y en a que c'est comme vraiment au-dessus. Donc c'est faut magasiner, puis c'est ça qui est le fun aussi. Tout n'est pas trop cher, tu sais. Des fois, tu as des bons deals, puis des fois, c'est bien correct, puis des fois, non, ça fait pas de sens, tu sais. Alors, je me réussis tout le temps à monter un petit shopping cart pas pire. Fait que là, j'ai envoyé des photos. J'ai envoyé une copie de mon shopping cart. Ils m'ont renvoyé plein de photos. De ces photos-là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs jeux qui étaient pâles. Donc, le Nintendo Seal était rond. Donc, j'ai éliminé ceux-là. Toutes les covers qui n'étaient pas beaux, je les ai éliminés. Il y avait un qui était un bootleg, je l'ai éliminé. Donc, il m'en est resté quand même une belle petite pile ici. Et puis là, ce que j'ai envie de faire, vu qu'on est là et qu'on a le temps... Tiens, je vais me prendre un papier et puis je vais prendre mon application de téléphone de Pure Gaming et puis je veux voir si j'ai perdu ou gagné, si j'ai perdu beaucoup d'argent ou si j'ai fait un bon deal là, finalement. Donc je vais regarder le prix des jeux à chaque jeu que je vais vous montrer et puis on va comparer là, dans le fond. Donc voilà, on va faire ça direct de même. Alors je commence avec le premier, vous avez vu ça sur ma page Facebook. Ring King, qui est une illustration absolument magnifique. Je l'ai le prix ici. Il l'a sur le jeu, comme vous pouvez voir, mais il l'a ici aussi. Donc, Non, je vais faire ça plus simple. C'est pas Ring King, excusez, je me mélange avec le jeu de NES, c'est Ring Rage. Donc, je vois dans mon application, Ring Rage. Ça vaut 9$. J'ai payé ça 14,99, donc 15. Alors, j'ai perdu 5 piastres. Mais des fois, je l'ai pris quand même. Tu sais, comme price charting était peut-être un autre prix, mais je me fie vraiment, je me fie à mon application de Pure Gaming là-dedans pour que ça aille plus vite. Là. Donc, puis il y a des jeux aussi comme ceux-là, je suis prêt à mettre les petits dollars de plus là, juste pour les avoir s'ils sont beaux. Parce que c'est pas si commun que ça. C'est pas rare, là, mais c'est propre. Puis j'étais là, puis je magasinais. Alors voilà. Prochain jeu. En passant, j'ai joué à aucun des jeux que je vous présente présentement. Dracula, j'ai payé 20$. Et Dracula, ça vaut 20$. Alors ça reste comme ça. Beau label, c'est ça. Ça doit être mauvais, par exemple. Ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est pas un film que j'ai aimé, par exemple. Best of the Best, Champion Karaté. Regardez la puissance de cette illustration. Là, moi j'aime quand même ça. Là. Coup de pied en face de même. Donc, Best of the Best, payé 15$, ça vaut 11$. Allez, ça va mal mes affaires. Là. Je suis rendu à moins 9$. Pas un bon deal. Pas des bons deals. Cela dit, je l'ai vu passer quelques fois ce jeu-là. Je l'ai jamais vu avec un beau label, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ici, on y va avec Chop Lifter 2. Donc, Là, j'étais déçu un peu parce que vous voyez ici en très close-up que le label n'est pas très beau dans le haut. Je pensais qu'il était beau, donc ça sera un upgrade là, à faire éventuellement. Je vais le noter dans mon document. C'est pas dramatique, là, c'est correct, là, mais si je l'avais vu comme ça, je l'aurais pas acheté. Donc, j'ai payé ça 15$, ça vaut 16$, donc on tombe à moins 8$. Y'a-tu fait de même, le label? Ben, il est peut-être fait de même. Regardez, c'est du nuage, dans le fond, dans l'écriture. Ça se peut-tu, ça? Ça ressemble à ça, hein? Je vais le mettre de côté, puis je vais aller vérifier sur eBay. Prochain jeu, ici, de Fidgets. Ça, c'est weird. J'ai aucune idée de ce que c'est, cette affaire-là. On dirait vraiment... de Jaleco. On dirait vraiment une affaire qui existe, genre un dessin animé... Mais non, j'ai jamais vu ça avant, donc ça vaut pas si cher que ça non plus. Dans le fond, d'après mon application, ça vaut 13$ et je l'ai payé 10$. Donc on est à moins 5 présentement. Ça va très bien. Ça doit être un platformer. Là, j'espère que c'est pas style animé. J'aime pas ça, moi, les platformers, que ça a l'air d'être un cartoon dans le jeu, là, tu sais. J'aime mieux que ça soit un sprite en pixel, là, puis sinon, ça finit jamais bien, là. C'est jamais des bonnes idées. Ça, je garde pour la fin. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Megalith. Publié par Takara. Je sais pas. Ça, c'est certainement un puzzle game, ça, cette affaire-là. C'est la première fois que je voyais ça. Et puis, ça vaut 23$ et je l'ai payé 20$. Donc, maintenant, je suis rendu à moins 2$. Ça va bien. Donc, si mon application dit 25$ pour ça. Donc, c'est quand même pas commun, j'imagine. Je pense que les jeux de Takara au Game Boy publiés par Takara sont tous pas communs, en fait. Donc, on verra bien. Je joue pas au Game Boy présentement pour la simple raison que mon Super NT... lorsque j'utilise mon Super Game Boy dedans, ça fonctionne pas, j'ai pas de son en fait, parce qu'il faut que j'update le firmware, puis j'oublie tout le temps de le faire. Et pour moi, ce n'est pas tant une formalité de faire ça, parce que je sais pas comment en faire. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne du temps pour me renseigner, pour voir comment je peux arriver à updater ça. Je vais regarder vite, ça avait l'air d'être un monticule d'informations à gérer. Ça m'a découragé, je l'ai pas fait, je joue pas au Game Boy. Je vais corriger ça un moment donné, là. Parce que ça s'accumule, tous ces jeux-là de Game Boy, sérieux. Puis là, il y en a plein que je veux essayer. J'ai acquis plein de jeux, puis je joue pas, tu sais. Un moment donné, je vais m'asseoir, je vais juste comme jouer au Game Boy, streamer tout ça pendant très longtemps, puis ça va être bien le fun. Ici, un autre jeu de lutte, Hall Wrestling, de nos amis Hall America, dans le fond, avant que ça devienne Hall Laboratory, et puis qui invente Kirby. Donc, Hall Wrestling, 13$ que ça vaut. Et ici, je l'ai payé 10$. Donc, on est maintenant rendu à 1$ de sauvé sur la valeur de ce que j'ai acheté. Ça va très bien. Je sais pas si c'est bon jeu, là. Peut-être. Ici, un jeu de pinball. Moins commun que Revenge of the Gator et Kirby Pinball. C'est Pinball Dreams. Je n'avais jamais vu ça avant non plus. Je sais pas si c'est très bon, mais c'est joli. Pinball Dreams. Mon application me dit 19$ et ici, on est à 15$. Donc, économie de 4$. On est rendu à une économie de 5$. C'est mal parti, mais là, ça va bien. Prochain jeu. J'ai pas le choix de mettre le jeu face direct dans le Kodak puis de le reculer après pour que le focus il se fasse dessus. Donc voilà. Pinocchio qui ne veut pas tenir debout tout seul ici. Hein. OK. Pinocchio que wesh, hein? Ça doit être assez mauvais ça, mes amis. Pinocchio que j'ai payé 15$ et qui vaut 13$. Oh my god, on redescend de 2. On est rendu à une économie de 3$ sur le value de tout cela. Ici, un jeu dont la version NES vaut très cher, ou du moins est très difficile à trouver. Indiana Jones and the Last Crusade de Ubisoft. À ce que je vois au Game Boy, il n'y a que la version Ubisoft, mais au NES, il y a la version Taito aussi qui est vraiment plus commune, mais la version Ubisoft avec ce très cool old school logo de Ubisoft que vous voyez présentement. Au NES, c'est vraiment, vraiment pas facile à trouver du tout, du tout. Là. Donc, ça vaut 18, je l'ai payé 19, en baisse d'une pièce. Donc, ça se met à mal aller. Ça, c'est un jeu que je vois beaucoup, dont je vois les prix variables. Je l'ai vu dans des boutiques, je l'ai vu sur Price Charting, sur eBay. On dirait que le prix est différent partout. C'est Titus Fox. Marrakech Pack, là, je sais pas quoi. Titus est un, je crois, développeur de jeux français. Vous voyez le logo ici en bas à droite. Il me semble qu'ils ont fait pas mal de Super NES. Au NES, je me rappelle plus. Mais Super NES, puis au 64 aussi, ils étaient présents. Et puis, vous pouvez reconnaître l'horrible logo en bas. Donc, ça, c'est... Titus est une mascotte, apparemment. C'est ce bonhomme-là dans le logo. Alors, il a eu son jeu et maintenant, je le possède. Je possède Titus. Et puis, cette calamité vaut 16$ d'après mon application. Puis là, je l'aurais payé 30. Alors là, ça fait très mal. Mais un petit instant, je vais quand même aller juste vérifier sur Price Charting. Voyons, qu'est-ce que je dis? On va aller voir qu'est-ce que Price Charting nous dit à propos de cet horrible Titus de Fox. Il y a juste au Game Boy et au Game Boy Color, dans le fond. Donc, loose, voyez-vous, Price Charting dit 43$. Alors là, c'est weird, parce qu'il y a un différentiel de 20$. Disons que dans ce cas-ci, je vais peut-être me fier... On va dire que j'ai break-even là-dessus en le payant 30$. Donc, c'est 10$ de moins que Price Charting, mais c'est plus que mon application. Je vais. Ça me dérange trop. Je vais aller voir eBay. On va aller voir eBay. eBay.ca. On va aller voir au Canada. Là, ça va faire du bruit, tout ça. Hein? Il y a du bruit ambiant en arrière aussi. Donc, Titus... Game Boy, on a le cœur net. Oubliez pas, quand on va sur eBay, on regarde toujours les sold listings. Là, il y a une version PAL à 20$, une autre version PAL à 30$, une version loose, une version US à 70$. Donc, très important de vérifier les européennes et les US. Ici, PAL 12$. PAL 12$. Ah, il n'y en a pas. Il y en a très peu. C'est bizarre, hein? Mais si je regarde ceux-là qui sont à vendre, il y en a un à 70, 30$ en PAL, 11$ en PAL. Coudonc, ça serait-tu comme un jeu qui est un petit peu rare, ça? Ici, 35$ pour un magané. Donc, voyez-vous, si je me dis que j'ai payé 30$ pour un prop, ça fait bien du sens, même que d'après moi, j'ai économisé. Donc, pour le bienfait de l'expérience scientifique qu'on est en train de faire, je vais juste dire que je break even sur ce jeu-là. Prochain jeu, il est lourd. Il y a du contenu dans le jeu-là. La cassette est vraiment plus lourde que les autres. Kirby's Star Stacker, mesdames et messieurs, que je n'ai jamais essayé non plus. Puis je pensais au départ que c'était un jeu de Game Boy Color, ça, mais apparemment non. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un genre de petit puzzle. Où est-ce que tu empiles des étoiles, vu que c'est Star Stacker. Et puis, c'est sorti ça à la fin, plus tard, vu que c'est Enhanced pour le Game Boy Color, le Super Game Boy, donc très cool. Je vais essayer ça. Vous voyez, en haut du Kirby, il y a une légère usure, c'est le genre d'affaire qui peut me déranger un brin quand même. Donc, je vais me faire une petite note là-dessus. Et puis, Kirby Star Stacker, mon application me dit que ça vaut 18$ et ici, on est à 15$. Donc, on remonte de 3$ pour une économie globale de 5$ sur la valeur et le jeu tombe et on passe au prochain. Ça, c'est weird, cette affaire-là. Ça, c'est vraiment... là. C'est quand tu fais des full sets que tu te ramasses à acheter des affaires de main. Track Meet, avec une illustration faite par l'ancien caricaturiste du journal qui s'est fait mettre dehors. C'est la chose la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. C'est vraiment bizarre, là. Ben, c'est pas la plus laide, mais, man, sérieux, ça fait pas jeu vidéo pantoute, cette affaire-là. C'est vraiment moche. Tellement moche que ça en est bizarre. T'sais. C'est comme une bizarrerie. Et puis, bon, c'est, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un jeu très mauvais de qui doit ressembler à Track and Field un peu, je sais pas. Mais ce jeu-là, mon application me dit 7$ et je l'ai payé 10$. Donc, on drop de 3 pour 2$. On est rendu à une économie massive globale de 2$. Donc, mais je suis quand même content de l'avoir parce que c'est une affaire LED que je savais qu'il existait, qui est pas si rare d'après moi, mais que j'avais hâte d'avoir parce que c'est laid puis c'est drôle dans la collection. Ça, c'est une affaire intéressante, par exemple. Il s'agit de Mystical Ninja starring Goemon. Donc, est-ce que ça va ressembler à Mystical Ninja au Super NES ou une version Famicom que je n'ai jamais joué? J'en ai aucune idée. Mais c'est un jeu, ça, quand même, d'après moi, qui doit être intéressant. J'ai même pas regardé le gameplay. Je me garde la surprise pour ça. Ici, on voit que je l'ai payé 40$ et mon application me dit 40$ précisément. Donc, break-even pour ce jeu-là. Il est en très bon état, pas de jaunissement sur la cartouche. Donc, je suis vraiment content de ça. Très, très cool d'avoir finalement ça dans la collection. Et finalement, le jeu qui vaut le plus cher de ce lot que j'ai acheté, ça faisait un bout que je le voulais. Si vous écoutez Rétro Nouveau, vous avez vu que moi et Fred, on se fait des top 10 pour nos aventuriers de l'or gris. Et puis, il n'y a rien aujourd'hui à part ce jeu-là qui était dans le top 10. Donc, c'est un des jeux les plus chers qui me reste à acquérir pour mon full set. Il s'agit de Tailgater, donc queue d'alligator, rien de moins que la queue des alligators, publié par Natsumi. Je sais pas si c'est fait par Natsumi par contre, mais je vais certainement essayer ce jeu-là. Ça a l'air le fun, il y a de l'action là-dessus. Mon application me dit 68, ça me dit 70, donc 2$, j'étais à plus 2, donc on est à 0. C'est très drôle. Donc, d'après mes savants calculs, j'ai acheté tout ça au prix de la valeur du marché, plus le shipping. Donc, au final, ben ça, c'est plus taxes, plus shipping. Donc, dans le fond, j'ai rien sauvé vraiment. Mais quand même, je suis content d'avoir ça. C'est une belle, c'est un beau boost. Et puis, tu sais, je suis rendu là un peu aussi là, pour continuer mon full set. Je peux pas... Je peux pas attendre de trouver le meilleur deal pour chacun des jeux qui me manquent à trouver. Là, t'sais, un moment donné, tu fais une passe sur Moby Games, tu fais une passe à des places de même, tu fais un Digital Press, je sais pas quoi, là, tous ces sites-là. Quand tu magasines un peu, tu regardes les boutiques, tu achètes tout ce que tu vois, quel prix il est sur le marché pour juste comme faire avancer le projet. Donc, c'est là-dedans que je suis, mais voilà. Donc, Tailgater, je suis bien content. Donc, ce stash de jeu-là, ping, tout ce beau stash de jeu-là m'arrive de Vancouver. Donc là, ça va être mon fils qui va être content. On a des labels, des étiquettes enlevées de prix. Et puis moi, je vais mettre du gaz un peu là-dessus et mettre tout ça propre. Donc ça, c'était l'image Facebook des jeux comme dans le papier bulle que vous avez vu sur ma page Facebook. Et puis, tantôt, je m'en allais au parc avec mon fils. Et puis, le facteur est arrivé juste avant que je m'en aille. Et puis là, j'ai reçu une grosse batch de jeux de Super NES que j'ai dealé avec un gars en Ontario dont je parlais tantôt, en fait. Et puis, il y a des consoles Wii aussi là-dedans. Et il y a 6 jeux de Game Boy que j'en ai pas... Tant qu'à le commander puis payer du shipping, j'ai dit, montre-moi tes jeux de Game Boy. S'il y a des affaires qui me manquent, je vais te prendre ça. Donc, j'ai déjà regardé la valeur de tout ça sur Price Charting quand je négociais avec lui. C'était une valeur totale de 90$ Price Charting. J'y ai demandé 80 pour, puis il était bien à l'aise avec ça. Donc, j'ai pas besoin de calculer les values de tout ça. Je vais vous montrer ça à l'instant. Je les ai reçus tantôt, je les ai à peine regardés. Il n'y a rien de fou là-dedans du tout. Mais c'est des ajouts, encore une fois, puis il va falloir que je décrasse ça, donc je suis super content. Premier jeu, Prince of Persia, version Game Boy, donc on se trompe pas. C'est bel et bien un jeu publié par Virgin Games, en super gros. Donc, très cool. Ben, content d'avoir ça. Je l'avais déjà vu dans le passé, mais jamais avec un beau label. Parlant de beau label, voici nos amis de la famille Adams. Magnifique, magnifique. Un jeu de Ocean. On salue au passage mon grand ami Eric Hébert. Donc, ça risque d'être mauvais, solide. Je ne jouerai jamais à ça. Ça, c'est un jeu... Moi, j'ai joué à ce jeu-là au NES au départ. Et puis, c'était une nouveauté. Un moment donné, c'est apparu ça au club vidéo. Je suis comme, oh, je loue ce jeu. Castellian. Je sais pas s'il faut dire Castellian. Ah non, STL. Ouais, c'est ça. Castellian. Donc, ça, c'est plat. J'avais été bien déçu au NES. J'imagine qu'au Game Boy, c'est la même affaire aussi poche. Tu montes une tour en tournant autour de la tour. Tu sais, il y a des jeux que c'est fait de même. Quand tu avances, c'est la tour qui tourne sur elle-même comme une vis géante, dans le fond. Mais tu sautes de plateforme à plateforme pendant que la tour, elle monte. T'sais. Là, tu as des petites portes. Puis là, tu as des petites plateformes qui disparaissent, qui bougent. Il y a des petits monstres. Ah, c'est d'un ennui, ça. Je suis même surpris que j'avais pas ça. En fait, j'étais sûr que je l'avais. Mais apparemment, non. Donc, magnifique Castellian. Ça, c'était une affaire weird, j'ai aucune idée. Il y en a beaucoup des petits jeux de Game Boy de même que je connais pas du tout. C'est Tesserae. T-E-S-S-E-R-A-E. Donc Tesserae. Je sais pas trop comment le dire. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette affaire-là. Et puis au début, j'étais pas sûr parce que je pensais que le label était jaune, tu sais, était jauni. Mais non, c'est fait de même. Le seal de Nintendo, il est blanc, tu sais. Le game de Game Tech est blanc. C'est vraiment comme le dessin là, qui est jaune. Donc c'est fait comme ça. Et puis, à voir le cover, là, c'est comme des petites tuiles. On dirait quasiment le démineur. Peut-être que c'est un jeu de démineur. Hein? Ça ferait du sens. Donc, vous pouvez regarder ça si vous voulez. Tesserae, ça vaut 5$ et c'est supposément commun, je n'ai jamais vu ça. Attendez, hey, je m'en vais voir drette là si on peut... je veux voir du gameplay, je veux voir ce que c'est, cette affaire-là, tant qu'à dire n'importe quoi et avoir un ordinateur sous la main, T-E-S-S-E-R-A-E, Game Boy. Ouais, c'est exactement un jeu de démineur, mesdames et messieurs. Donc, chapeau à ceux qui ont fait l'illustration du cover. On comprend très bien. Ça doit être quand même correct. C'est un jeu de démineur au Game Boy. Faut dire que j'ai pas beaucoup joué au démineur dans ma vie. Je salue Laurent Lassalle du jeu C'est sérieux. Au passage, qui est probablement le plus grand joueur de démineur, du moins au Québec. Alors, on le salue. Ici, un jeu que je n'avais pas, étrangement, NBA Jam Tournament Edition. J'avais le normal, me semble, mais j'avais pas le Tournament Edition, qui est quand même plus rare, si je me trompe pas. Je vais regarder ici dans mon application, parce que là, c'est dit que je l'ai payé, $10, mais me semble que j'avais regardé et ça valait plus que ça. NBA, ah non, ça vaut $11, donc voilà. C'est de la merde, mais c'est la merde un petit peu moins commune que l'autre. Voilà. Et dernier jeu pour finir les acquisitions d'aujourd'hui. Tom and Jerry Frantic Antiques. Donc, le grenier fou, les foleries du grenier. Il y a un autre jeu de Tom and Jerry qui s'appelle juste Tom and Jerry. Mais celui-ci, il est plus rare. Puis je crois aussi, là, c'est écrit 20$. Puis d'après moi, c'est ce que ça vaut, Tom and Jerry. Ah non! Ça vaut 10$. Tout comme l'autre Tom and Jerry, en fait. Il y en a deux. Ils valent chacun 10$ d'après mon application. Mais d'accord, celui-là est écrit 20$. Donc, d'après moi, mon gars à qui j'ai acheté ça, il n'a pas de temps de checker les prix non plus. Si j'ai payé ça bien cher, ça veut dire que j'ai payé d'autres affaires pas mal moins chères pour être 10$ en dessous de price charting. Donc, je pense pas que j'ai payé ça, ce prix-là. Mais à tout le moins, j'ai maintenant les deux Tom and Jerry. N'est-ce pas fantastique? Et puis en arrière, il y a des beaux collants de Dallas. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Dallas quelque part, qui a possédé ce jeu-là et qui a mis des beaux collants en arrière, comme vous pouvez voir ici. Donc j'espère que je vais pouvoir faire disparaître Dallas et puis la trace de merde en bas, là. C'est assez dégueulasse. Et puis si jamais je n'y arrive pas, je vais juste switcher le back avec un autre jeu. Donc voilà. Et puis là, si on met tout ça à un côté de l'autre, ça fait beaucoup de jeux de Game Boy qui s'ajoutent à ma collection. Voilà, trois beaux stashs. Je suis vraiment content. Alors, c'est ce qui conclut les acquisitions. Tout est arrivé en même temps aujourd'hui. C'est parfait. Je voulais enregistrer ce que je viens de faire là hier, mais je pouvais pas parce que j'avais pas reçu ma dernière commande. Et puis là, je l'ai reçue. Donc, all is good. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de présentation. Moi, je trouve ça bien le fun. Et puis, c'est le fun là, que vous puissiez voir les jeux, les labels, bien comme il faut. Donc, c'est une plus-value là, pour ceux qui écoutent en vidéo, même si vous écoutez, comparativement à ceux qui écoutent qu'en audio. J'essaie quand même de dire toutes les choses pour ceux qui écoutent en audio, mais soudainement, les vidéos sont plus intéressantes. Et puis, le fait d'avoir deux cams de même, je pourrais m'emmener faire autre chose. Je pourrais m'amuser à... Je sais pas, moi, pas. C'est comme je voulais faire présenter les jeux Atari 2600 en collection, dire de quoi par rapport à ça. Il y a plein de choses que je peux faire avec une deuxième caméra comme ça. On verra pour une troisième à un moment donné. Donc, voilà. C'est ce qui conclut l'épisode 39 de Chez Papa Cassette. Un très long épisode. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, j'espère être en mesure de vous revenir très rapidement la semaine prochaine. À bientôt!